fait pousser une fleur dans notre fond de cœur. Si ou dit que ou bras les fonds, si ou dit que ou de foi les pas morts, alors ensemble a fait pousser une fleur dans notre fond de cœur. La tête ravive votre mémoire, notre valeur, mais dans notre histoire assurée, c'est un début espoir. Mais avec toutes nos prières, il faut nous marcher en frère. Si vous dites que votre bras les fonds, si vous dites que votre foi est pas mort, alors ensemble la tête pousse une fleur dans notre fond de cœur. Sur Réunion Première. Si vous dites midi, la fine arrive 10h, juste après le journal de France Info. Vous avez rendez-vous avec Claude Montanet et les experts sur la première. Très belle journée à toutes et à tous. Il est 10h, le journal de France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Il réclame le démantèlement du plus grand bidonville de France. Les commerçants, les routiers, les agriculteurs de Calais manifestent ce matin. Ils ont prévu de bloquer la 16. Jérôme Cahuzac, de retour au tribunal. L'ancien ministre va devoir s'expliquer les yeux dans les yeux avec les juges sur son compte caché en Suisse. Le plus grand singe du monde menacé de disparition, c'est un gorille qui vit en République démocratique du Congo. Sa situation est critique à cause du braconnage. Toute langue dehors et les yeux exorbités, Lucas Pouille a hurlé sa joie cette nuit à l'US Open de tennis. Le Français a éliminé Raphaël Nadal en 8e de finale. France Info. La visite de Bernard Cazeneuve il y a 3 jours n'a rien changé. Les habitants de Calais manifestent aujourd'hui. Oui, ils ont maintenu leur mobilisation destinée à obtenir le démantèlement rapide de la jungle, ce camp de migrants où vivent entre 7000 et 10 000 personnes. Les commerçants, les agriculteurs, les chauffeurs routiers veulent bloquer l'autoroute A16. Gaëlle Joly, vous êtes en direct de Calais pour France Info et ils veulent mener une opération escargot. Oui, ils sont une quarantaine de poids lourds à s'élancer sur la 16 direction Calais. Au gré des bretelles d'autoroute, ils seront rejoints par des centaines de tracteurs. Avec son 44 tonnes, Jérôme fait le trajet toutes les semaines entre la France et l'Angleterre. Et comme les autres, il n'en peut plus. Maintenant, à chaque passage pour l'Angleterre, on est agressé. Ah, j'ai déjà pris un coup de cutter, moi, dans le bas du bassin, là. En voulant descendre un clandestin qui était dans ma remorque. Vous avez travaillé la peur au ventre ? Ouais, bien sûr. On a peur de ce qui va nous arriver, ça c'est sûr. Le mot d'ordre, c'est ras-le-bol de cette jungle, même si le message véhiculé n'est pas un discours de haine. Julien, perché sur sa semi-remorque, attend un calendrier du gouvernement. C'est vraiment pour marquer le coup. Hein. L'État a apparemment réagi à moitié, hein. Promet un démantèlement, mais sans donner de date, sans donner de processus exact. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de faire cette manifestation pour vraiment faire bouger les choses. Les routiers ont tous dans leur habitacle un duvet, des bouteilles d'eau et des sandwichs pour tenir le siège. Sans réponse du gouvernement, ils poursuivront le blocage. Gaël Joly en direct de Calais pour France Info avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. Et à ce sujet, Nicolas Sarkozy souhaite obliger les Britanniques à accueillir sur leur sol les demandeurs d'asile de Calais. Il veut qu'un centre fermé soit créé en Angleterre et il explique dans un entretien au journal La Voix du Nord qu'il faut renégocier les accords du Touquet, accord qu'il avait lui-même signé lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2003. C'est ce traité qui a déplacé côté français le contrôle de la frontière britannique. La chasse au parrainage est toujours aussi difficile pour les petits candidats à la primaire de la droite et ils n'ont plus que 5 jours pour trouver des soutiens. Pour le moment, sur la ligne de départ, il n'y a que des hommes et c'est un argument que met en avant Nathalie Kosciusko-Morizet pour récupérer des signatures. Et on demandera son avis à Bruno Le Maire, qui est donc l'invité politique tout à l'heure à 8h30 sur France Info. En attendant, et à 8h03, devant le tribunal correctionnel de Paris cet après-midi, le procès de la fraude et du mensonge. Le procès de Jérôme Cahuzac, il revient devant les juges. L'audience avait été interrompue en janvier en raison de questions constitutionnelles qu'il fallait trancher. L'ancien ministre est poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment en raison d'un compte caché à l'étranger. L'affaire a éclaté il y a 4 ans. Il a nié les faits pendant 4 mois avant de passer aux aveux. Et il va devoir maintenant s'expliquer. Delphine Gocho. C'est l'histoire du plus retentissant scandale politique du quinquennat Hollande. L'histoire d'un mensonge qui a valu à Jérôme Cahuzac d'être baptisé par un de ses anciens conseillers, le Jean-Claude Roman de la politique, en référence au faux médecin immortalisé par Emmanuel Carrère dans son livre L'Adversaire. L'histoire surtout de la chute d'un homme qui avait fait comble de l'ironie de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, son cheval de bataille à son arrivée à Bercy en 2012. Dans la synthèse de leur instruction, les juges ont aligné méthodiquement des sommes, des dates, des comptes bancaires en Suisse, sur l'île de Man, à Singapour. Ils ont démonté les mécanismes d'une fraude fiscale qu'ils qualifient d'obstinée, de sophistiquée et familiale. Car Jérôme Cahuzac n'est pas le seul à avoir dissimulé une partie de ses revenus. Son ex-épouse, Patricia, a elle aussi largement fraudé le fisc. Au total, 687 000 euros cachés par Jérôme Cahuzac, 2,5 millions par son ancienne femme. Le risque d'incendie est maximal aujourd'hui dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône en raison du vent, de la sécheresse et des températures. Il est interdit d'aller se promener dans les forêts de ces deux départements. Il est 8h presque 5 sur France Info. Les États-Unis et la Russie n'ont pas réussi à trouver d'accord sur la guerre en Syrie. Les diplomates des deux pays ont négocié en marge du sommet du G20 qui se tient en Chine à Hangzhou. Dominique André, vous êtes sur place pour France Info et on vient de l'apprendre. Les deux présidents américains et russes, Vladimir Poutine et Barack Obama, vont finalement se rencontrer en tête à tête. Oui, absolument. Et cette rencontre entre Obama et Poutine se déroule d'ailleurs en ce moment même. Et la Maison-Blanche parle d'un entretien informel. Malgré l'échec des discussions qui a été annoncé par des diplomates américains, hier, l'agence de presse russe avait prévenu qu'une bilatérale aurait lieu entre les deux dirigeants. Et nous devrions donc avoir plus de détails plus tard dans la journée. C'est ce que vient de dire le porte-parole à la sécurité nationale américaine. Cette rencontre informelle entre les deux hommes signifie en tout cas que le lien n'est pas coupé entre les deux dirigeants, même s'ils ont des relations compliquées. Et bien que les discussions soient restées infructueuses, le dossier syrien est vraiment l'une des priorités d'Obama, dont le mandat a été empoisonné par ce conflit syrien. Obama voudrait avancer, voire arracher un accord avant son départ de la Maison-Blanche et l'arrivée de son successeur. Obama veut régler le maximum de dossiers avant de partir, confie un de ses conseillers. Et cette situation fragilise bien sûr le président américain vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui le sait bien. Dominique André, en direct du sommet du G20 en Chine avec François Rivalan pour la liaison technique. En Allemagne, l'extrême droite inflige un sérieux revers à Angela Merkel. L'AfD, qui est un parti populiste anti-migrant, a réussi à devancer le parti conservateur lors d'une élection régionale organisée dans le fief électoral de la chancelière. Lucas Pouille a réalisé un exploit cette nuit à l'US Open de tennis. Le Français a terrassé Rafael Nadal en 8e de finale, la plus belle victoire de sa carrière, dit-il. Et du haut de ses 22 ans, il a joué sans complexe face à l'ancien numéro 1 mondial, un match disputé en 5-7, Jérôme Val. Difficile de trouver le qualificatif juste pour décrire un tel match. Un match en forme de coup d'éclat pour le nordiste de 22 ans qui se qualifie pour son deuxième quart de finale de suite en grand chelem. Tantôt brillant comme dans le premier set, 6-1 en sa faveur, parfois bousculé mais toujours juste dans la précision. Il a bataillé pendant plus de 4 heures. La dramaturgie s'est invitée jusqu'au dernier set conclu par un tie-break haletant. Même son entraîneur Emmanuel Planck n'en pouvait plus. Je sais qu'il a des crampes depuis un bout. Je sais qu'il est très fatigué. Il est quand même dans un état un peu particulier sur le plan de la coordination, ça, tout ça, ça se délite. Ce que je pensais, c'était putain, pourvu qu'il arrive à gagner le dernier point et que ça se termine, parce que je commence à me faire vieux finalement. C'était la soirée des premières pour le joueur, qui sera maintenant classé parmi les 20 meilleurs mondiaux. Une première victoire contre Nadal, un premier succès contre un joueur du top 5 et une première sur le central de Flushing Meadows, le plus grand court de tennis au monde, Lucas Pouille. Là, à la fin, il y avait une ambiance, c'était une blague. Ça faisait un bruit de fou, quoi. Quand tout le monde se mettait à crier après chaque point dans le tie-break, c'était beau. C'est pour ce genre d'émotion et ce genre d'ambiance qu'on joue et qu'on a envie d'être sur les grands courts. Donc là, c'était juste incroyable. Hier soir, Lucas Pouille a fait basculer le tennis français dans l'histoire avec 3 tricolores en quart de finale à l'US Open, une première depuis presque 90 ans. New York, Jérôme Val, France Info. Oui, parce qu'en plus de Lucas Pouille, Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga se sont eux aussi qualifiés. Lucas Pouille affrontera d'ailleurs Gaël Monfils. Tsonga a rendez-vous avec le numéro 1 mondial et tenant du titre, Novak Djokovic. Il y a sur Terre 24 000 espèces menacées, animaux et plantes confondues. Cette liste rouge vient d'être réactualisée par l'Association internationale de préservation de la nature. Et les grands singes sont parmi les plus vulnérables. 4 espèces de primates sont désormais en danger critique d'extinction. Le gorille de l'Est, notamment, il n'en reste plus que 5 000 sur Terre. Il est victime du braconnage en République démocratique du Congo. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans cette liste. Le panda géant n'est plus considéré comme une espèce en danger grâce à la politique de protection mise en place par la Chine. Pareil pour l'antilope du Tibet. Voilà, la fin sur le panda et l'antilope. Merci beaucoup. Tiens, voilà une autre d'antilope. Bonjour Sophie Bria. Bonjour Fabienne. C'est pas mal. Merci d'écouter Réunion Première. Il est 10h09. Bonjour à tous. Le vent souffle encore aujourd'hui, les rafales atteignent les 60 km/h sur Saint-Denis et sur Saint-Pierre. Forcément, la mer est agitée et presque forte dans le sud sauvage, si le temps est nuageux dans l'est. D'ailleurs, le soleil continue de briller dans le courant de l'après-midi. Il fera beau de Saint-Benoît jusque dans le Chapelieu et sur toute la côte sud-ouest. En revanche, l'ouest devra une nouvelle fois composer avec sa cascade nuageuse qui s'étalera de Saint-Leu à Saint-Denis. Notre équipe est en place pour répondre à vos questions sur le locatif. Les experts du logement de ce matin, Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, Éric Waraud de la Fédération nationale des agents immobiliers, Éric Boudou, responsable d'un syndic de copropriété. Un seul numéro pour poser toutes les questions et pour avoir nos spécialistes au bout du fil, 02 62 99 2000. Les droits, les devoirs du locataire et du propriétaire, le dépôt de garantie ou la caution qui fait souvent débat. Pour quelles raisons? L'état des lieux est-il obligatoire? Qu'en est-il des travaux à réaliser dans le logement? Sont-ils à la charge du locataire ou du propriétaire? Quelles sont les démarches à faire pour avoir un logement? Les experts de ce matin jusqu'à 11h30 sur la première au 02 62 99 2000 et les questions par SMS au 06 92 70 2000. Mon désir qui nous dit ensemble, ou mon décrire toi, mon la flamme. Mon amour avec toi, et plus en plus, mon pli à mourir, et ça lui fait mon lait qui a bâti. Ou en oui pour en non, même si moi n'a raison. Et la trahison pas mon solution. Je t'avais rôde, 4 mots répétition. Soit des hommes, moi pas ta bon. Et n'a beaucoup qui t'avais rôde, fait à nous diviser. Pour qui fait nous pas t'assiser, nous causer, nous dialoguer. Si de l'envie qu'on la vérité, tu sais qui m'a pédié, tu sais qui est vrai. Essayez de nous toi moléquer pour nous errer. Tu fais des rôles devant te liger, mais tu n'as pas dit trouver. Au fin, essayez de nous toi mon amour, mais en retour. Mais dans tes pensées, ça m'est pas satisfait. Tu sais qui me fin fait. Mon amour, content en toi. Mon désir qui nous dé ensemble, pour me décrire toi mon la flamme. L'amour avec toi, de plus en plus m'oublie à mourir, et ça lui fait mollet qui a bâti. L'amour, mon temps en toi. Mon désir qui nous dé ensemble, pour me décrire toi moi la flamme de l'amour avec toi. Des jours on zoom au pli amoureux, et ça n'y fait mon léguer à serrer. La zoula te connaît qui c'est moi qui tiens la raison. Mais la jalousie peut manifester. Péro de pétri à nous l'amour, mon gâté. Mon contente-toi avec tout mon sincérité. Avec fidélité, pour les qui nous avancer. Arrête, laisse-toi influencer. Oh, ça va nous mauvais penser pour nous arriver. N'essayez, donne-toi mon léguer pour nous errer. Tout qui déroule devant de l'IGB, tu n'as pas dit trouver. Au fin, essayez, donne-toi mon l'amour, mais en retour. Et dans tes pensées, ça ne m'est pas satisfait. Tu sais qui m'a fini fait. Mon l'amour, mon temps en toi. Mon désir qui nous dé ensemble. Pour me décrire à toi, mon la flamme. L'amour avec toi, de plus en plus m'oublie amoureux, et ça devient mon légué à bâtir. L'amour, mon content en toi, mon désir qui nous dé ensemble, pour me décrire toi, mon la flamme. L'amour avec toi, des jours en jour m'oublie amoureux, et ça devient mon légué à serrer. L'amour, mon content en toi. Des yeux qui nous dé ensemble, pour me décrire à toi, moi la flamme de l'amour avec toi. Des plus en plus m'oublie amoureux, et ça les fait mon qui a bâti. De l'amour, content en toi. Pour des yeux qui nous dé ensemble, pour me décrire à toi, moi la flamme de l'amour avec toi. Des jours en jour m'oublie amoureux. Et ça n'y fait mon lait qui a serré. Olivier Bric sur Réunion Première. Il est 10h15. Les experts du logement répondent à toutes les questions. Vos questions au 02 62 99 2000. 8h, 10h, la Coljac avec Jackie Revel. À l'émission des signes de terroir, Sacnouyem. Ah ben là, moi les devant ma rouge à l'âge. Chicken like, on les confit, donne piment, les bons. Radio Ménage. Vous avez vu comment la voix signifie dans le terre. Partagez vos croyances et légendes. Les gens y parlaient avant, maintenant est-ce que le vrai est pas vrai. La Coljac avec Jackie Revel, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Les experts de ce matin pour répondre à vos questions, notamment sur votre logement, sur vos droits de locataire et les devoirs de votre propriétaire. Nous accueillons Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Éric Boudou, responsable de syndic de copropriété. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et puis Éric Ouarot de la Fédération nationale des agents immobiliers. Bonjour. Bonjour. Le lundi matin, on va s'intéresser au logement de nos auditeurs et également donc les problèmes qu'ils rencontrent sur le dépôt de garantie, sur les droits aussi, les devoirs du locataire et du propriétaire. On peut rappeler un instant, s'il vous plaît, Éric Ouarot, le rôle de la Fédération nationale des agents immobiliers. Donc la Fédération nationale des agents immobiliers, communément appelée la FNAIM, voilà, c'est une fédération donc, qui regroupe des professionnels de l'immobilier. Il y a plusieurs objets. Et notamment, on est fédéré, plus on est nombreux, plus on peut avoir un poids par rapport aux institutions. Et ça, pour apporter aussi, il y a plus de moyens. Notamment, il y a un service juridique qui permet donc aux adhérents à la FNAIM donc d'avoir vraiment une écoute complète et puis un suivi régulier. Apporter aussi des formations. Pour que les agents donc qui soient adhérents soient formés régulièrement. La législation évolue tous les jours, donc la formation doit être continue, comme on dit. Et c'est vrai que la FNAIM apporte beaucoup d'outils à ce niveau-là à ses adhérents. Éric Boudou, le syndic de copropriété, On est très content de vous avoir ce matin parce que c'est tellement rare. Merci. Alors, si on peut rappeler effectivement donc votre rôle, vous, le syndic de copropriété, qu'est-ce que c'est ? Alors, le syndic, en fait, gère la copropriété. La copropriété, c'est quoi ? En fait, c'est un immeuble d'au moins deux logements avec au moins deux propriétaires différents. Donc, c'est un statut qui est défini par différentes lois. Et donc c'est obligatoire pour chaque immeuble qu'on vient de définir d'avoir un syndic de copropriété et d'être sous statut de copropriété. Donc la copropriété, c'est le bien commun de chaque propriétaire. Puisque le propriétaire est propriétaire de deux choses, son logement. Ouais, son logement, oui. À titre privatif. Bien sûr. Et aussi, il est propriétaire d'une part du bien commun, commun avec d'autres propriétaires. Avec lesquels il a parfois des intérêts divergents, mais pour lequel il faut quand même se rassembler et donc entretenir en commun l'immeuble dans lequel il vit. Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, avant d'aller au standard accueillir Jean-Maurice de Petite-Île. Oui, alors l'Agence départementale d'information sur le logement, donc vous tenez des permanences aussi dans les mairies. Dans les mairies. Le public vient à votre rencontre. Ouais. Voilà, et nous fournissons donc une information sur tous les droits en matière de logement, l'urbanisme aussi, et tout ce qui concerne aussi l'accession à la propriété. Alors évidemment, nous renseignons aussi bien le particulier que les professionnels qui le désirent. Et les permanences sont effectivement tenues dans toutes les mairies de Lille, sauf Sillaos. Ce rendez-vous, la plupart du temps. Donc nous sommes 6 à nous déplacer dans toute Lille. Et c'est vrai que l'information est juridique, mais elle est aussi financière dans certains cas, et fiscale aussi. 02 62 99 2000 et puis par SMS pour les questions au 06 92 70 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Jean-Maurice de Petite-Île, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Maurice. Voilà. Alors, votre question, s'il vous plaît. Alors, avant de poser ma question, déjà vous dire qu'il fait très beau dans le sud. Ah bah écoutez, c'est merveilleux. C'est merveilleux, il faut sortir. Hein, ce n'est pas le cas dans le nord. Merci pour la météo. Pour nous, c'est un peu nuageux. Hein, donc, voilà. C'est pas grave. C'est le bonnet, oui, pas bonnet scan, hein, comme on dit. Alors, voilà ma question. En fait, je suis locataire d'une villa donc, dans le sud, dans Petite-Île. Et il se trouve que depuis plusieurs mois, les volets ne ferment plus. C'est des volets qui sont fabriqués, je crois, en PVC. Et du coup, je suis obligé d'attacher avec un fil, méthode un peu créole, hein, attacher avec un fil pour que je puisse dormir en sécurité le soir. Et ma question est la suivante, est-ce que cette réparation incombe pour moi ou bien à charge du propriétaire ? Alors donc ça concerne votre habitation, c'est une maison individuelle, hein, c'est oui, ça ? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Alors c'est cette histoire de volets, les volets sont cassés ? Pratiquement oui, au niveau des verrous, oui, ils sont cassés. Sont cassés. Alors j'ai envie de vous poser d'abord la première question avant d'entendre les experts. C'est, vous avez interpellé le propriétaire ? Ben, j'attends d'avoir la réponse d'abord. En fonction, vous savez. Ils nous écoutent. Pas mal ça, c'est pas mal. Oui, bah, ils sont là, hein, ils sont surtout là, les experts donc, du logement sur la première. Il y a Eric Ouarraud de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers, Eric Boudou, qui est responsable de syndic de copropriété, et Sylvie Cadet de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement, qui est juriste conseil. Alors, qui veut bien répondre à Jean-Maurice, s'il vous plaît ? Alors, Jean-Maurice. Sylvie Cadet, vous n'avez pas levé votre doigt. Ah, il faut lever le doigt. C'est nouveau. Voilà. Allez-y. Alors, oui, c'est vrai qu'on est nombreux. Alors, pour l'ordre d'intervention, donc je commence. Oui, bien sûr. Alors, nous pouvons appliquer donc l'article 6 de la loi du 6 juillet 89, qui effectivement prévoit que les réparations doivent être faites par le propriétaire bailleur. Donc, en fait, cette réparation dont vous parlez ne vous incombe pas, elle incombe au propriétaire bailleur. D'accord. Voilà, et vous appuyez pour cela sur la loi numéro 89-462 du 6 juillet 89. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, quel que soit l'usage qui est fait, je veux dire, la personne pourra contester en disant, bon, c'est l'usure normale, c'est dans mon droit quand même de réclamer la réparation. L'usure normale. Éric Ouarraud, oui. Oui, bonjour Jean-Maurice. Bonjour. On parle pour compléter, c'est vrai qu'on parle de vétusté. Voilà, oui. Quand on parle d'usure normale. Et pour reprendre les grands principes généraux, tout ce qui est dû à l'usure, à la vétusté, en général, est à la charge du propriétaire. Voilà. Maintenant, pareil, le propriétaire aussi, il vous doit, ce qu'on dit, le clos et le couvert. Voilà, c'est-à-dire que la maison, elle doit être sécurisée. Et évidemment, sur un toit, il ne doit pas y avoir de fuite. S'il y a des fuites, le toit doit être étanche. Voilà, en résumé. Après, sur votre problème de volet en particulier, enfin, a priori, c'est à charge du propriétaire. Maintenant, tout ce qui est petite serrure, serrure de porte, tout ce qui est petites choses comme ça qui finissent par se casser à l'utilisation, ce qu'on appelle des petites réparations, en général, restent locatives. Tout ce qui est plus grosse réparation, donc sur un mécanisme, sur je reprends souvent l'exemple classique des toilettes, parce que bon, ça revient souvent, de façon commune. Lorsque c'est un flotteur, comme une ampoule par exemple, qui est usé, c'est du locatif. Lorsque c'est l'ensemble du mécanisme qui est à changer, parce que voilà, comme on disait tout à l'heure, vétuste, lié au temps, c'est à la charge du propriétaire. Et on va retrouver ce principe un petit peu dans tous les domaines, mais après, bon, évidemment, avec quelques exceptions. Effectivement, là, on est plus dans le mécanisme qu'une petite théorie. Si c'est le mécanisme, effectivement, de fermeture en lui-même du volet qui est là, qui est usé, c'est a priori à charge propriétaire. Éric Boudou, une réponse pour notre auditeur, Jean-Maurice. Vous êtes vous du syndic de copropriétaires. Oui, je confirme, effectivement. S'il y a un problème de conception, s'il y a un problème qui est lié au mécanisme même, effectivement, c'est à la charge du propriétaire. Très bien, voilà. Je crois que c'est très clair. Écoutez, je sais pourquoi je vais l'appeler aujourd'hui même. C'est clair, c'est clair, et je le dis souvent. En tout cas, je voulais vous remercier pour cette émission. Je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'on apprend chaque jour, il n'y a pas d'âge. Et deuxièmement, n'hésitez pas à venir à Petit-Île, il fait très beau aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. On arrive. Bonne journée à vous. Vous savez, l'équipe, Jean-Maurice, l'équipe, c'est une équipe qui est nombreuse quand même. On est pas mal dans l'émission. Je regarde, il y a Vincent Tirouet qui réalise l'émission. Bonjour Vincent. Et puis Mathias qui est au standard, donc il va falloir louer un minibus. On en reparlera dans ce cas, effectivement. Et puis n'oublie pas Chloé, évidemment. Merci. Bonne journée. À bientôt, Jean-Maurice. Les questions en direct au 02 62 99 2000 pour toutes vos réactions, notamment sur le logement, sur le locatif avec nos experts. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Darling, I'll turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down and crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show, it can't go on. We used to have it all. Now's our curtain call, so hold for the applause. Oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. So now we're crying. So let the velvet roll down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses build the stage, and the thrill is gone. baby was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. Ooh, at least we stole the show. Ooh, at least we stole the show. Les experts du logement sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, Éric Boudou, responsable de syndic de copropriété, Éric Ouarot de la Fédération nationale des agents immobiliers. Marina est avec nous, Marina de la Possession. Bonjour Marina. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va bien, et vous ? Oui, vous allez nous faire un point météo aussi, comme Jean-Maurice ? Oui, ça va, il fait bon. Quel temps fait-il à la Possession ? Décidément, ouais. Oui, ça va, il fait chaud, ça va. Bon, qu'est-ce qui ne va pas avec votre logement ? Alors, je vous appelle parce que moi et mon copain, nous sommes propriétaires d'un... Enfin, nous louons un appartement sur Sainte-Thérèse. Vous êtes locataire ? Voilà, nous louons un appart sur Sainte-Thérèse. Oui. Et là, le store, enfin, coûte est cassé à plusieurs reprises. Ils sont venus réparer deux fois, oui. Mais ça s'est encore cassé. Mais maintenant, ils ne veulent plus venir réparer. Est-ce que j'aimerais savoir si c'est à notre charge de réparer ou pas. Sachant que nous continuons à payer le loyer, mais on ne peut plus monter le store, donc on reste complètement enfermé dans la porte. Alors, cette histoire de continuer de payer le loyer, d'abord, c'est parce que beaucoup pensent que pour régler le problème, on arrête de payer le loyer. Éric Boirot. Bonjour. Surtout pas. Surtout pas. Le loyer, d'accord. Il est toujours dû. Il n'y a que le juge qui peut dire... à un moment donné, une compensation est faite par rapport à un problème d'habitabilité et une compensation peut-être peut être faite sur un loyer. Mais en tout cas, voilà, on ne doit pas se faire justice soi-même. Et donc, d'accord. Surtout pour être dans vos droits, régler votre loyer de façon régulière. Toujours. D'accord. Ok. Quand vous parlez d'un store, vous parlez d'un volet roulant. Voilà, exactement. D'accord. Et en fait, c'est le truc, le volet roulant qu'on tourne là. Oui. C'est ça, en fait, qui est cassé, qui est sorti du mur, qui est cassé, en fait. Ils sont venus réparer deux fois. Oui. Et maintenant, la troisième fois, ils ne veulent plus venir, en fait. C'est-à-dire que c'est la petite accroche, là, où on met la manivelle pour tourner. Voilà. D'accord. C'est ça qui est cassé. Oui. Il n'y a plus du tout la barre, là, en fait, pour tourner. Il n'y a plus du tout, ils ont enlevé, mais... Alors, c'était pas électrique, ça ? Non ? Non. C'est manuel. Non. C'est manuel, oui. Ok. Oui. Éric Boudou. Qui ne veut plus venir, l'entreprise ou votre agence de location ? En fait, nous sommes avec la CMADA, c'est des gens de la CMADA en fait, qui c'est sont un, venus. C'est un bailleur social, hein, un c'est bailleur ça social. Oui. Bailleur social, oui. Ouais. Sylvie Cadet. Alors, apparemment, là, quand vous exposez... Bonjour, excusez-moi. Non, il n'y a pas de soucis, ne t'inquiétez pas. Alors, donc, en vous écoutant, bon, moi, j'ai l'impression, mais après, il faut quand même voir de plus près, hein, de d'accord. Quoi il s'agit exactement, parce qu'il y a une liste de réparations locatives, comme l'expliquait tout à l'heure M. Ouarot, donc il y a toute une liste avec des éléments qui sont à votre charge et d'autres non. Alors, on ne sait pas, là, il faudrait peut-être vous avoir un peu plus longtemps au téléphone, il faudrait peut-être nous appeler par la suite, on vous rappellera par la suite, pour voir si ce n'est pas un problème d'utilisation. Parce que si effectivement à l'usage, donc il y a eu effectivement un problème, ça pourrait être à votre charge. Maintenant, sur le principe, tel que vous nous exposez la situation, j'ai davantage l'impression que c'est à la charge du propriétaire. Mais tout de même, avec, je préfère tout de même qu'on en reparle un peu plus longtemps, que vous nous disiez comment ça s'est passé dans le temps, quand ils sont venus la première fois, à l'issue de voilà comment ça s'est cassé, etc. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que vous vous retrouvez dans le noir actuellement. Oui. Et ça fait combien de temps que cela dure, en fait? Oui, cette année, ça va faire presque un an. Oh, oulala. Un an, votre volet, voilà. Donc en fait, il a fonctionné de temps en temps. Voilà. Et voilà. Donc en fait, finalement, sur une année, le volet roulant a été réparé combien de temps? Combien de temps? À peu près une fois. Voilà, mais pendant combien de temps finalement vous êtes retrouvé, voilà, dans le avec noir. Le jour dans le peignoir. Parce que ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que le propriétaire bailleur doit faire toutes les réparations. Il vous doit aussi une jouissance paisible du logement. Alors évidemment, si vous vous retrouvez dans le noir et que vous ne pouvez pas jouir paisiblement des lieux, il va de soi que parmi les obligations du bailleur, il y a effectivement il faut absolument qu'il reprenne tout ça et qu'il fasse les réparations. Maintenant, comme je vous disais, sous réserve tout de même de savoir comment ça a fonctionné et comment ça s'est passé. Parce que s'il ne vient pas, il faudrait que vous nous en disiez un petit peu plus. Est-ce qu'il y a eu un problème à un moment donné qui a fait que maintenant ils ne veulent plus venir faire les réparations? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mais en fait, c'est mon copain qui est parti. Ben, je ne sais pas, ils ont dit oui. À chaque fois, c'est oui, mais au bout du compte, ils ne viennent pas du tout. Et ils ont dit que c'est plus à leur charge de faire les réparations, mais c'est à nous de le faire. C'est plus parce qu'ils sont débarrassés du problème, hein, probablement. Voilà. En fait, ils pensent avoir fait la réparation, par conséquent, c'est fini, ils ne viennent plus, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors maintenant, le principal pour nous, en fait, pour vous aider, c'est de savoir si on est dans le cadre d'une réparation locative ou une réparation qui incombe au propriétaire bailleur. Alors, pour cela... Alors, ils sont venus une fois, ils sont venus deux fois, ils sont venus une troisième fois, c'est ça, Marina, hein? Oui. Et puis après, au final, écoutez... Voilà. Alors, c'est pour ça on ne vient plus. Je me demande, alors, soit c'est le volet roulant qui est vraiment défectueux et finalement qui n'est pas de la bonne qualité. Qui n'est pas adapté. Soit c'est un problème d'utilisation. Ou un problème d'utilisation. Alors, il faudrait peut-être effectivement qu'on en reparle hors antenne, vous nous expliquiez tout ce qui s'est passé. Comme ça, en fait, pour vous répondre peut-être un peu trop vite, parce que je ne veux pas vous répondre trop vite non plus, on a l'impression que c'est plus à la charge du propriétaire. Mais, comme je vous disais, sous réserve qu'on puisse en parler. Sylvie Cadet a besoin d'en savoir un peu plus. Marina, ne vous inquiétez pas, soyez rassurée, parce qu'on prend votre dossier en main. Hein, donc, c'est le but de l'émission aussi. Et je dis merci aux experts de faire le suivi après. Merci à vous. Hein. Merci. Donc, on a votre numéro de téléphone, on vous rappelle. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Nous restons sur la possession. Virginia est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nos experts, Éric Ouarot de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers, Éric Boudou, responsable de syndic de copropriété, et Sylvie Cadet de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement. Votre question, Virginia? Ma question est, il s'est passé quelque chose il y a quelques mois chez moi, et des enfants qui jouaient dans un parc, ils ont lancé des galets sur ma fenêtre. La fenêtre a été brisée. Nice. Et j'ai déposé une plainte et j'ai rapporté tous les papiers à mon agence. Quelqu'un est venu chez moi, mais depuis, j'attends et rien ne s'est passé. On m'a dit que l'assurance de mon agence ne prenait pas part de l'incident. Et je voudrais savoir mes droits, s'il vous plaît. Bien sûr, alors la question, elle est claire, elle est simple, elle est importante, vos droits. Vous êtes locataire? Oui, locataire. C'est ça. Et vous êtes dans un logement privé, un logement social? Je crois que c'est privé. Vous croyez que c'est privé? Vous n'êtes pas sûr? Ben... Attendez, on va s'occuper de votre situation, s'il vous plaît. Voici Étienne Dao et Dany comme un boomerang et on vient vous retrouver juste après Virginia, d'accord? Merci à vous. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à ma bringue et ton amour m'ont épuisé. baume des bandes, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter, si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les baumes et les bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens les baumes et les bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashback enchaîné. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Les experts du logement jusqu'à 11h30 sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Vos droits, vos devoirs de locataire et de propriétaire, le dépôt de garantie, appelé aussi la caution, on en parlera aussi avec nos experts tout à l'heure. L'état des lieux est-il obligatoire? Qu'en est-il des travaux à réaliser dans le logement? Sont-ils à la charge du locataire ou du propriétaire? Vous réagissez au standard de la première. Virginie de la Possession. Alors, on s'est renseigné, vous êtes avec un bailleur social. D'accord. Voilà. Alors, cette histoire de gamins qui jouaient en bas, qui ont lancé des galets, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ces galets sont venus sur votre vitre? Oui. Et ça, voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il fallait... Vous avez vu l'assurance déjà ou pas? J'ai téléphoné, mais ils m'ont dit qu'ils ne prenaient pas charge du dégât, quoi. Ouais. Sylvie Cadet. Alors, c'est assez délicat, parce que là, il s'agit du fait de tiers. Donc, ce sont des enfants. Ouais. Et c'est vrai que pour établir une responsabilité, donc il y a un lien, enfin, justement, entre ce qui s'est produit, donc la vitre brisée, et l'enfant, donc en fait, qui a commis cet acte-là, ouais. On devrait pouvoir, si on pouvait identifier, ce serait bien, parce que ce serait la responsabilité à ce moment-là des parents. Ah oui, qui c'est ce que jouer. J'allais dire là. Voilà, ah hein. Oui. Mais sur le plan de son assurance, ben c'est normal... qu'en fait ils ne prennent pas en charge puisqu'ils disent que ce n'est pas vous finalement qui avez commis cet acte, c'est pas vous qui avez cassé votre vitre, et puis de toute façon si vous l'aviez cassé vous auriez eu à réparer de toute façon. Alors sur le principe même, l'idéal aurait été de savoir, d'identifier parmi donc ces enfants là qui a pu. Alors, ce qui va pas être facile, hein, je l'ai bien. Et le bailleur, de toute façon, il va pas intervenir non plus, puisque le bailleur n'est pas responsable du fait des tiers. Alors, donc, c'est... Voilà, donc on est dans ouais. une zone donc, un peu si délicate. On, si, alors... voilà, oui, allez-y, Eric Boudou, vous êtes responsable de syndic de copropriété. Alors, je dirais que là, en fait, cette dame a subi un sinistre. Elle a subi ouais. des dégâts. Donc... déjà, la première démarche, c'est de faire une déclaration de sinistre à son assurance. Vous êtes assurée, madame, à titre... tout est compris, était à charge dans le loyer. D'accord. Tout est compris dans le loyer. D'accord. Oui. Ouais. D'accord, donc en fait, en gros, votre assurance est celle prise par votre bailleur social. Oui, c'est ça. D'accord. Et quelle est la réponse exacte que vous a fait votre bailleur? Parce que ils ont dû vous dire si ce type de dégâts était pris en charge par l'assurance. Ils ont dû vous, normalement vous donner une justification. Il doit y avoir une explication à la non prise en charge. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils m'ont dit que c'était à ma charge, c'était à moi de payer la fenêtre. D'accord. C'était à votre charge. Ouais. Oui. Bon. Non, alors, à moins de, comme disait Sylvie Cadet, de retrouver ces enfants-là. Mais vous les avez vus, les marmailles, ou pas ? Non, j'étais dans la cuisine, j'ai entendu. Voilà, et puis après, ils ont pris la poudre des scampettes. C'est ça, ils ne sont pas restés sur place. Non. Donc, Sylvie Cadet, du coup. Non. Oui, il faudrait essayer effectivement d'identifier. Enfin, je pense qu'il y a. Enfin, à moins qu'il y ait une vingtaine d'enfants. Mais ce sont toujours les mêmes, en fait, qui jouent dans la cour. Il y a peut-être un moyen, en fait, de remonter. Alors, c'est vrai qu'au niveau des assurances, ce qui se passe, c'est que. Eux, ils ne peuvent pas, enfin, ils ne pourront pas intervenir parce qu'ils vont vous dire que c'est quelqu'un d'autre, en fait, qui a causé ce sinistre-là. Oui. Et c'est pour ça, effectivement, qu'ils vous ont répondu ainsi. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une assurance spécifique de votre bailleur social ? Non. Qui pourrait prendre en charge. Alors, donc, du coup, on va tourner en rond. Donc, il n'y aurait qu'une solution. Ce serait d'essayer de retrouver qui est celui, enfin, en tout cas, le groupe d'enfants. Et d'essayer, en fait, de faire convoquer les parents de ces enfants, de façon, en fait, à ce que la prise en charge, puisque ce sera eux d'assumer, puisque les enfants sont sous leur garde, ce sera eux d'assumer à ce moment-là, donc, le paiement. Pour ce qui est de l'assurance qui est comprise dans votre loyer, c'est-à-dire que le bailleur social contracte à votre place, l'assurance risque locatif, effectivement, c'est une bonne formule d'ailleurs, puisque là, vous avez une couverture au niveau de l'assurance. Mais là, dans ce cas-là, à mon avis, effectivement, comme ils vous l'ont déjà dit d'ailleurs, ils n'interviendront pas. D'accord. Voilà, Virginia, désolé. Hein. Merci pour tous vos conseils et vos renseignements. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Bonne journée. Merci, bonne journée. Nous irons retrouver sur Saint-Pierre Amélie au téléphone. 5h, 8h, grand matin sur Réunion Première. C'est l'heure du café. Bonjour. On est ravis de vous accompagner, de faire la route avec vous. On parle plein de vitamines ce matin. Peut-être au pied du lit pour vous ou déjà sur la route. La très bonne route avec la première. On est dans le même bateau et c'est pour ça qu'on est content d'être avec vous. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette du lundi au vendredi de 5h à 8h sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il y a du monde au standard, les experts du logement. Il y a du monde. Nous allons sur Saint-Pierre. Amélie est avec nous. Bonjour Amélie. Et bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment vous allez ce matin, Amélie? Je vais bien, il fait beau, il y a un petit peu de vent, donc tout va bien. Non, ça... le logement, il y a des petits soucis. Ça pourrait aller mieux, j'ai envie de dire. Oui, on va dire ça, oui. Bon, vous êtes avec un bailleur social ou bailleur privé? Bailleur social. Social. C'est un logement social, donc c'est ça. Un logement social. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce... Il y a des soucis dans le logement? Oui, alors moi, depuis octobre 2011, je vis dans cet appartement au rez-de-chaussée. Oui. Et quand je suis arrivée même, à la première pluie, il y a eu de l'infiltration, l'eau qui est entrée dans une chambre. Oui. Et puis, ben, depuis jusqu'à aujourd'hui, ben, ça passe à travers le mur carrément. Et dans une autre pièce aussi, mais il y a une en particulier où c'est vraiment, il faut mettre la serpillière tout le temps. Même le canon d'eau de l'extérieur, quand il pleut le gazon, à ce moment qu'il tape sur le mur de l'extérieur, ça passe automatiquement, ça rentre chez moi. Et donc j'ai prévenu plusieurs fois la gérante, ensuite un courrier même au directeur, à ses réceptions. J'ai eu la visite de l'expertise, le directeur, une dizaine de personnes sont venues en tout cas il y a plus d'un an à prendre des photos et tout. Là, il n'y a pas longtemps encore, une expertise est passée et jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Voilà. Et en plus, j'ai une enfant qui est grave malade, qui vit dans cette chambre. Et puis à un moment donné, à force de voir des experts venir défiler chez vous comme ça... C'est pénible. Ça fatigue un peu, ouais, parce qu'on n'arrive pas à trouver la... Après, quoi. On n'arrive pas à trouver la solution, c'est ça? Exactement, voilà. Et là, ce matin, il y a des experts. Exactement, j'entends la radio, je dis je vais faire et puis on verra bien. On va faire bouger les choses, je pense. Je vous remercie. Si, c'est important parce qu'on ne peut pas vous laisser comme ça dans cette situation. Sylvie Cadet. Alors, ce que j'ai... Bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez une enfant malade. Oui, moi-même aussi d'ailleurs, mais surtout ma fille. Vous aussi, voilà. Enfin, C'est l'essentiel en fait pour nous. Et bien sûr, il y a des infiltrations. Ce sont ces infiltrations qui ne peuvent que faire empirer la situation et surtout la maladie de votre enfant. Oui, je ne peux pas laisser par téléphone, c'est une maladie très grave. Et non, mais voilà. Ce n'est pas la peine, mais voilà, c'est urgent pour nous. Oui. Voilà, oui. Donc il y a effectivement, comme le disait Claude, une urgence dans le sens où vous ne pouvez pas continuer à vivre dans ce logement dans lequel il y a des infiltrations et qui va en fait entraîner des problèmes de santé, peut-être encore plus grave. Exactement. Alors, quand vous parlez d'experts qui sont passés et plusieurs personnes, donc une dizaine de personnes. Ah oui, la première fois, oui. Cela veut dire que, alors, première question, est-ce que votre logement est un logement qui a moins de 10 ans? Ah oui, c'est un logement neuf de 2011. 2011, d'accord. Oui, le 2011, logement a 5 voilà, ans, voilà. Hein, le bâtiment a 5 donc, ans. Et le 2011, même quand on est entré, je ne suis pas la seule, hein, là, je parle pour moi, mais on en a plusieurs cas comme moi dans l'immeuble, pareil, avec des infiltrations. Donc voilà. D'où le passage de tous ces experts-là, parce qu'on est dans le cadre de l'assurance dommage ouvrage et de l'application de la garantie décennale. Oui. Alors, quoi qu'il en soit, alors, on va dire que même si ils sont obligés effectivement de faire passer, de faire des déclarations de sinistre qui en fait qui sont obligatoires. Mmh. rapidement. Mais par ailleurs, il y a une situation d'urgence pour cette dame. Et à mon avis, en attendant de pouvoir résoudre de manière définitive les causes des infiltrations, c'est déjà reloger cette personne pour tenir compte de la situation d'urgence. À mon avis, il y a deux choses différentes. Amélie est avec nous. Bonjour Amélie. Oui. Bonjour Amélie. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes avec un bailleur privé, hein, c'est ça? Non, c'est pas privé, c'est les logements sociaux là, non, je pense pas. Bah, alors attendez, on a un petit souci là. Vous étiez avec nous tout à l'heure. Oui, j'ai été déjà, je sais pas, moi normalement on m'a dit d'attendre, donc j'attends. Bah voilà, d'accord. Donc je me disais bien parce qu'à un moment donné, j'ai dit attendez, c'est pas possible. Alors on avait on s'y perd avec tous les prénoms là d'auditeurs qui sont en attente. Mathias, je regarde Mathias, il veut un café peut-être. Allez, on va aller chercher un café. Merci Amélie. Oui, et je peux rapprocher. Oui, non. Alors, Mathias, on s'est occupé d'Amélie? Oui, très bien. Voilà, merci Amélie. Ok, ben je peux raccrocher. Merci à vous. Raccrochez, merci. À très bientôt. Au revoir. Bon, alors, est-ce que Gilberte est là? Bon, allez, très bien. Allez, on va se retrouver juste après. Seguel sur la première. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Même la réunion, c'est signé Seguel sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Gilberte de Petite-Île. Bonjour Gilberte. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour monsieur aussi. Bonjour Gilberte. Il y a madame qui répond aussi. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe Gilberte? Voilà, ma question c'est je suis locataire depuis de longues dates. Oui. Bon, ouais. Très très gros problème, la salle de bain, il y a des épluchures, des grosses, par contre. Dans la salle de bain. Oui. Je voudrais savoir si c'est à ma charge ou à la charge de mon bailleur, s'il vous plaît. Et ou, merci. Ou à la charge de votre bailleur. La question, ouais, elle est... Vous voulez dire que la peinture... Allez-y, bonjour, madame. La peinture s'écaille, hein. Il y a des grosses, grosses épluchures. C'était gênant, on dans la salle de bain. Quand vous dites épluchures, ça veut dire que c'est en fait, ce sont des... c'est de la peinture, qui se décolle du mur. Avec l'humidité, avec le temps. C'est ça, oui. Alors, petite question, c'est un bailleur social ou privé ? Social. Social. Alors, vous restez bien avec nous, s'il vous plaît, Gilberte. Oui, oui, oui. On a pris votre question. Oui. Nous allons avoir le flash d'infos de Réunion Première. Et on revient vers vous tout à l'heure, d'accord ? Tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Les questions, les réactions avec les experts du logement et Mathias qui vous accueille au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Bonne fin de matinée à tous, il est 11h. L'info de la première signée, Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Et bonjour Claude, bonjour à tous. Dans l'actualité ce lundi, l'ouverture d'une nouvelle enquête publique sur le projet de carrière de bois blanc qui doit fournir une grande partie des roches nécessaires à la construction de la digue de la nouvelle route du littoral. Les habitants de Saint-Leu, mais aussi des Avirons et de l'étang Salé sont invités à donner leur avis dans leur mairie. Ils ont jusqu'au 6 octobre. Ce projet de carrière de bois blanc, il en sera question ce soir avec Thierry Robert. Le député maire de Saint-Leu sera l'invité de Gaël Le Dantec dans Devant la Réunion. Rendez-vous à 18h15 sur Réunion Première Radio. Depuis ce matin, un homme de 49 ans comparaît devant la cour d'assises de la Réunion pour viol sur mineur et séquestration. La victime est une enfant de 11 ans. Elle était hébergée chez l'accusé avec sa mère et ses frères et sœurs. Au moment des faits, l'accusé encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le procès doit se poursuivre jusqu'à demain. Nous serons en direct de la cour d'assises dans le journal de midi. Dans notre prochaine édition, nous irons également dans le peloton du tour cycliste de la Réunion, marqué par le geste fou du père d'un des coureurs qui a fait chuter et blesser des concurrents hier après-midi en mettant des barrières en travers de la route. Deux épreuves sont programmées aujourd'hui. Ce matin, un contre-la-montre de 10,5 km entre Le Port et Saint-Paul. Et cet après-midi, les coureurs s'élanceront pour 74 km de course entre Saint-Paul et Trois-Bassins. En football, la 10e journée du championnat de D1 régional, marquée par la fin d'une série de 9 victoires pour la Saint-Pierroise, battue hier 2-1 sur le terrain de l'US Sainte-Marie. La JSSP conserve la tête du classement devant l'Excelsior et c'est la Sainte-Marienne qui occupe la 3e place. Sport toujours, il y avait aussi du rallye ce week-end. C'était dans l'Est avec le 9e rallye de Bourbon, une compétition remportée par Stéphane Samkaufrève, premier au classement général du championnat. Son dauphin dans ce classement, Damien Dorseuil, est arrivé 2e. Le podium de ce 9e rallye national de Bourbon est complété par Thierry Lao Lang. Tout à l'heure sur Réunion Première Radio, c'est dans l'actu juste après le journal à 12h15. Le thème sera le numérique pour lutter contre l'illettrisme. Internet et les nouvelles technologies envahissent notre quotidien. Une barrière supplémentaire pour les 116 000 réunionnais en situation d'illettrisme, à moins qu'on ne les familiarise à ces outils. Philippe Dornier et ses invités en parleront à l'occasion des Journées Nationales d'Action contre l'illettrisme. Rendez-vous à 12h15 sur Réunion Première Radio. Vos questions, vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, également par SMS au 0692 70 2000, également sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de midi. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité nationale et internationale à Paris avec la rédaction de France Info. Jusqu'à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Voilà ce que risque en théorie Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du budget est jugé à partir de ce lundi à Paris pour fraude fiscale et blanchiment. Sa démission, après avoir finalement avoué en 2013 avoir détenu un compte à l'étranger, reste le plus important scandale politique du quinquennat de François Hollande. Ils sont partis de Lonne-Plage et de Boulogne-sur-Mer, direction Calais. Des dizaines de camions mobilisés pour une opération escargot sur l'autoroute A16. Des routiers, des agriculteurs, des restaurateurs, réfractaires des commerçants. Ils dénoncent l'intrusion de migrants dans leurs camions et un chiffre d'affaires en baisse. Une chaîne humaine est prévue à Calais dans les prochaines minutes. La sécheresse associée à de très grosses rafales de vent dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, un risque incendie exceptionnel est déclaré. Niveau jamais atteint cet été. C'est une information de France Bleu. L'accès à tous les massifs est interdit aujourd'hui. Pas d'accord sur un cessez-le-feu en Syrie, pas de retrait des forces non plus. L'échec ce matin des négociations entre Russes et Américains. C'était en marge du G20, présent en Chine. Les présidents Poutine et Obama se rencontrent en ce moment même. En tennis, c'est une première et c'est une bonne nouvelle. Après le fiasco des JO, trois Français sont en quart de finale de l'US Open. L'exploit de la nuit est pour Lucas Pouille, vainqueur en 5-7 de Rafael Nadal. En quart de finale, il jouera Gaël Monfils. L'autre Français qualifié, c'est Joe Wilfried Tsonga. Il affrontera lui le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Il est 11h04 sur la première, un coup d'œil sur la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le vent souffle encore aujourd'hui, les rafales qui atteignent les 60 km/h sur Saint-Denis, sur Saint-Pierre. Forcément, la mer est agitée, presque forte dans le sud sauvage. Si le temps est nuageux dans l'est, ailleurs le soleil continue de briller. Dans le courant de l'après-midi, il fera beau de Saint-Benoît jusque dans le chef-lieu et sur toute la côte sud-ouest. En revanche, l'ouest devra une nouvelle fois composer avec la cascade nuageuse qui s'est de Saint-Leu à Saint-Denis. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Les experts du logement de ce matin, Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, Éric Ouarreau de la Fédération nationale des agents immobiliers, Éric Boudou, responsable d'un syndic de copropriété. Vous avez la parole sur la première, vos droits, vos devoirs de locataire et de bailleur, le dépôt de garantie, l'état des lieux, les travaux à réaliser dans le logement, sont-ils à la charge du locataire ou du propriétaire, les démarches à faire, surtout pour avoir un logement, on en parle sur la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Le dépôt de garantie, la caution, on l'appelle aussi toujours la caution Sylvie Cadet, hein, c'est vrai ? C'est resté un peu dans le langage courant. Oui, ce qui nous fait... Quand on parle effectivement du dépôt de garantie, on vise l'article 22 de la loi de 89, mais c'est vrai que d'une façon générale, usuellement, les personnes utilisent le terme de caution. Alors justement, il ne faut pas confondre la caution qui est le dépôt de garantie avec l'acte de cautionnement qui est fourni par une personne physique pour aider la personne, enfin du moins pour se substituer à la personne qui ne paierait pas son loyer. Et si vous avez un peu de mal pour récupérer votre dépôt de garantie, on peut en parler. Les experts sont là sur la première, 02 62 99 2000. Ça fait sourire tout le monde, ça. Hein. J'ai mis le doigt sur un problème, là. Et puis par SMS au 06 92 70 2000, on se retrouve juste après Bob Marley sur la première. Or even try to school you. Bob Marley, les Wailers sur la première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Alors Gilberte de Petite-Île, bonjour, rebonjour Gilberte. Rebonjour monsieur. Voilà, voilà, alors votre situation, on en a parlé tout à l'heure avec les experts, Sylvie Cadet, Eric Boudou, Eric Warreau. Alors qu'est-ce qu'on pourrait donner comme réponse, Sylvie Cadet? Alors, la salle de bain, par essence, en fait, est une pièce qui est humide. Donc par rapport au fait que cette pièce est humide, il y a effectivement un entretien donc à faire, mais là s'il s'agit, alors il faudrait juste que je vous pose une question par rapport à l'aération de la pièce. Oui. Est-ce qu'il y a effectivement une prévu donc une ouverture? Oui. Et est-ce que vous aérez correctement cette pièce? Tous les jours. D'accord. Bon. Tous les jours, c'est bien aéré. D'accord. Donc là, effectivement, on est dans la vétusté dont on parlait ce matin. Ce matin, oui, enfin, en début d'émission. J'ai l'impression d'être là depuis très longtemps. Et par conséquent, donc la vétusté, ce qui fait que ça ne sera pas en fait à votre charge. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes locataire? 30 ans. Ah oui, j'avais omis de vous poser la question. D'accord. Bon, donc effectivement, ce logement a besoin d'être repeint. Rafraîchi. Oui, comment dire, rafraîchi, oui. Alors, très joli, les rafraîchis. Éric Boudou, oui. Si vous me permettez, Gilberte, est-ce qu'il y a des bouches d'aération, des ventilations dans la salle de bain? Pour moi, il y a une bouche. Alors, est-ce que vous savez si c'est une... ventilation dite mécanique ou une ventilation naturelle, c'est-à-dire non. Je pourrais pas vous dire, monsieur. D'accord. Parce que je sais pas très bien. Parce qu'éventuellement votre propriétaire bailleur pourrait vous renseigner. En tout cas, vous pouvez lui signaler si jamais c'est une ventilation dite mécanique. Oui. Il y a peut-être un problème de panne de l'installation qui fait que votre pièce humide. La salle de bain ne serait pas bien aérée. Comme le logement remonte à plus de 30 ans, c'est ça, Éric Boudou? Donc ce système d'aération peut-être... Peut-être qu'il n'a pas été mis en place dès le départ. Mmh. Mmh. Comme je ne sais pas trop bien, oui. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. D'accord. Non, mais a priori, c'est vrai que là, on est... Enfin, a priori, on est sur un problème vraiment de vétusté. D'accord. Et, voilà, je pense... Ça fait 30 ans que vous êtes locataire du même logement. Du même logement, oui. Et en 30 ans, la salle de bain n'avait jamais été repeinte, jusqu'à présent? J'ai fait une première fois. Ah, il y a combien de temps? Il y a 15 ans? Non. C'est plus, il y a 5 ans à peu près. Il y a 5 ans? Oui. D'accord. Et là, je devais refaire. Oui. Mais après, il y a une amie qui était venue, entre-temps, elle est partie de la salle de bain, elle m'a dit non, je vais être à la charge de ton propriétaire. Alors, est-ce que l'ami de Gilbert a eu raison de dire c'est à la charge du propriétaire? J'en profite pour vous poser la question de ma tête. C'est raccourci. C'est à la charge de Gilbert. Non, mais attendez, Sylvie Cadet. Oui. Il faudra faire les travaux, ça c'est certain. Oui. Bon, après, c'est vrai que c'est de la peinture qui risque de tomber sur elle. Donc, c'est différent lorsqu'il s'agit d'un carrelage qui se décolle. Non, c'est tout autour. Tout autour, d'accord. Oui. Bon. Oui, ben moi je reste sur ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que là c'est la vétusté. Vous l'avez fait. Bon, c'est bien que vous l'ayez fait au bout de 25 ans. Oui, hein. C'est joli. Voilà, mais là vous pouvez réclamer à votre propriétaire. Oui, voilà. Eh bien, c'est pas beau. Ça s'écaille de partout. Non, mais plus. Avant, j'ai pas la question, toujours. Voilà. Non, puis il y a un problème d'esthétique, là. Hein. C'est pas très joli. Hein. Oui. Voilà. Comme je vous dis, ça me gêne beaucoup. Et j'ai une deuxième question après, s'il vous plaît. Hein. Oui, vous allez-y. Écoute. Je peux poser? Bien sûr. Oui, allez-y. Voilà, dans la cuisine, il y a la porte qui mène vers le séchoir. La baie-vitrée est complètement cassée. Oui. J'ai défêlé, j'ai enlevé. Et ça aussi, je voudrais savoir si c'est à la charge de mon bailleur ou si c'est à ma charge. S'il vous plaît, merci. C'est-à-dire que la baie vitrée a été cassée comment? Pardon? La baie vitrée a été cassée comment? Est-ce que c'est la vitre qui a été fêlée? La porte, c'est la porte, ça c'est avec le vent. Avec le vent? Oui. Il y a l'usage, du coup. Pardon? Donc du coup, le sinistre est intervenu, c'est lié à l'usage. C'est que vous avez laissé la porte ouverte alors qu'il y avait du vent, donc ça s'est brisé. Donc on revient un petit peu au problème de tout à l'heure avec l'enfant. Oui. A priori, soit vous avez une assurance qui couvre, votre assurance habitation qui couvre les bris de glace et qui pourrait prendre en charge. après avec ou sans franchise selon les assurances, oui, oui. ou votre assurance ne prend pas ne prend pas en charge, parce que c'est pas prévu dans le contrat, et dans ce cas-là, la réparation serait à votre charge. D'accord. Voilà. Je regarderai mon assurance. Oui, c'est important de regarder ce qui est écrit dans le contrat d'assurance. Non, mais alors vous savez, les papiers sont faits pour être lus aussi, pas être là dans une enveloppe, rester dans un tiroir. Parfois on n'a pas le temps. Parfois on n'a pas le temps, c'est vrai. C'est vrai ça. Parfois on n'a pas le temps vraiment. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Voilà, prenez du temps. Merci Gilberte. À bientôt Gilberte. Bonne journée. À bientôt. Gilberte. Merci pour votre accueil et pour les questions. Merci madame. Enfin, et merci messieurs. Bonne journée. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Vous avez la parole sur la première. Vous réagissez au 02 62 99 2000. Les experts du logement répondent à toutes les questions. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message à coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Je passe un petit message mon chéri, à qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Claudio Gaillard, on roule chez Gali. Vous savez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Première. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Et je dis merci à Eric Waro de la Fédération nationale des agents immobiliers, à Eric Boudou, responsable de syndic de copropriété, et merci aussi à Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement d'être présent ce matin pour répondre aux questions des auditeurs. Philippe de Saint-Pierre. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Oui, dites-moi, je suis locataire d'un appartement sur la métropole, pour mon fils, le double vitrage, la partie intérieure. C'est brisé subitement comme ça vers le mois de vers les grosses chaleurs du mois de mai juin et je voudrais savoir à qui revient le coût de la réparation quoi. Alors c'est pour un logement qui se trouve en métropole hein. Oui tout à fait. C'est ça. Eric Boreau. Première chose, est-ce que vous avez fait une déclaration à votre assurance pour vérifier qu'elle... Sûr. Oui. Oui, bien sûr. Et elle prend pas en charge. L'assurance qui m'a dit de me retourner vers l'assurance de l'immeuble, parce que ça s'est passé tout seul. Hein. D'accord. C'est un double vitrage, donc c'est la partie intérieure, heureusement, qui a cédé et qui s'est brisée en petits morceaux, là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, si, je vois bien. Donc, heureusement que le vitrage extérieur existe toujours. Ouais. Et suite à ça, donc j'ai fait ma déclaration à la MAIF. Pardon, j'ai fait ma déclaration à mon assureur. Oui. Et mon assureur m'a dit de voir avec le syndic. Le syndic me dit que c'est faut voir le propriétaire. Bref, il y a un devis qui a été fait. Et on vient de recevoir le devis, mais j'ai une franchise à payer, quoi. Oui. Voilà. Alors tout le monde se renvoie un peu la balle. Exactement. C'est ça. Et ça tombe très bien parce qu'on a un responsable de syndic de copropriété qui se trouve dans ce studio. Voilà, donc on va l'écouter. Votre réponse, Eric Boudou. Alors, je pense qu'il faudrait probablement étudier un petit peu mieux le dossier pour en savoir plus, parce que tout le monde se renvoie la balle, ça veut dire qu'il y a des justifications des uns et des autres. Mmh. Et si vous pouviez peut-être nous transmettre les éléments que vous avez, de manière à ce qu'on vous fasse une réponse un petit peu plus précise, parce que là, si je comprends bien... Comment je fais pour vous envoyer tout ça, moi? Bon, écoutez, on a toutes vos coordonnées, donc bien sûr... Bonjour. Allô. Oui, Philippe, oui, vous écoute. Hein. Vous faites 36 000 choses à la fois, vous. Hein. Oui. Vous êtes un homme très actif. Non, je me déplace, enfin bref. Non, je disais, on a votre numéro de téléphone, bonjour. D'accord. Bonjour, oui, bonjour Philippe. Mais décidément, il dit bonjour à tout le monde. Philippe. Oui. Mais vous êtes la bise, même. Vous êtes où, Philippe? Comment? Vous êtes où, là? J'arrive dans la salle de reprographie de la salle des profs. Ah, oula, c'est du sérieux là. Attention, oula. Bon, ne plaisante pas, s'il vous plaît. Non, mais je vous écoute et comme l'émission est intéressante, c'est pour ça que j'essaye de faire plusieurs choses à la fois. C'est pas très bien. Eh ben, dis donc. Alors donc, on disait, Philippe, on a votre numéro de téléphone. Oui. Voilà. Autour de cette table, il y a un responsable donc de syndic de copropriété. Oui. Il vous a écouté. Il y a aussi Eric Waro, qui est de la Fédération nationale des agents immobiliers. Il vous a entendu. Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, pareil. Donc, on va vous conseiller, vous donner les bonnes réponses, surtout aux questions que vous vous posez. C'est surtout super. Ça. Super. Voilà. Autre chose à rajouter, peut-être, avant de vous laisser travailler un peu, quand même ? Non, non. C'est très bien, vos thèmes d'émission, là, c'est super. Et je vous laisse me rappeler pour avoir plus de renseignements. Alors, on est bien ça d'accord, ça se passe en métropole, hein ? Exactement. Le bailleur est un bailleur privé ? Oui. C'est ça. Bon, très bien. Merci Philippe. Je vous remercie, bonne journée. Bonne journée. Bon courage à vous, bon courage, à très bientôt. Et puis je vous donnerai la question d'un auditeur tout à l'heure, notamment il a réagi au 06 92 70 2000, notamment pour parler d'un ballon d'eau chaude. Voilà, on en parlera juste après Papa London sur la première. Moins de 10 minutes pour réagir. Vous avez moins de 10 minutes. 02 62 99 2000. Les experts du logement répondent à toutes les questions ce matin. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Alors, la question de notre auditeur par SMS au 06 92 70 2000. Mon logement est en réhabilitation et mon bailleur m'impose un ballon d'eau chaude de 200 litres dans la cuisine. Est-ce que je dois l'accepter ? Je suis dans un T3. Sylvie Cadet, Éric Baudou, Éric Waro, nos experts. Alors, on vous écoute. La question est un petit peu... Éric Waro. La question est un petit peu vague. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le propriétaire c'est aujourd'hui... C'est précis, 200 litres. Non, mais change de chauffe-eau, qu'est-ce qu'il y avait avant, pourquoi ? Là, comme ça, juste... C'est un logement en réhabilitation. Oui, a priori, il n'y a pas de raison de refuser. Si le propriétaire veut lui installer un ballon d'eau chaude, il n'y a aucune justification a priori pour refuser l'installation du chauffe-eau, bien au contraire. Si c'est pour remplacer un système qui était plus vétuste, il sera bénéficiaire, au contraire, d'un meilleur système de chauffage d'eau, je vais dire. Donc, voilà. Pour vous, le locataire devrait accepter, l'auditeur. A priori, comme ça, là, oui, sans plus de détails, oui, il n'y a pas de raison de refuser. Alors, ce serait placé dans la cuisine, ce 200 litres. Alors, peut-être aussi, je comprends, peut-être la cuisine... Esthétique, peut-être. Esthétiquement parlant, oui. C'est pas très joli. Oui. La cuisine est peut-être petite. 200 litres, voilà, oui, un ballon de jeu de 200 litres, ça fait beaucoup. Oui. Voilà. Oui, ça fait beaucoup, effectivement, a priori, pour un F3, on en parlait. Voilà, oui. 150 litres serait peut-être suffisant. Mais si vraiment c'est un problème esthétique, qu'il essaye de négocier au mieux avec son bailleur une solution peut-être plus esthétique, ou un emplacement différent, ou si possible, ou un coffrage pour que ce soit pas visible. Enfin, voilà, là, on est plus a priori sur un gène esthétique que sur un problème d'obligation ou de réglementation. Éric Boudou. Je pense que le volume du chauffe-eau de 200 litres est largement suffisant, voire surestimé, voire peut-être surestimé. Donc c'est peut-être dans l'intérêt de chacun de trouver un système différent ou en tout cas peut-être un chauffe-eau moins volumineux. Sylvie Cadet de la DIL. Lorsqu'il s'agit d'améliorer le confort en fait du locataire, donc on aurait tendance à penser qu'il vaudrait mieux qu'il accepte. Maintenant, il faudrait effectivement savoir quelles sont les raisons qu'il avance, ce qui le gêne. Voilà, dans cette installation donc des 200 litres et du ballon. Voilà. Ça mais peut-être le placement du ballon esthétique. Dans la cuisine, peut-être. Voilà. Habituellement, c'est soit dans la salle de bain, soit dans une petite pièce à part, non c'est ça. Peut-être que la cuisine est petite. Dans un cellier. Il a peut-être peur des fuites. Enfin bon, après, il faut essayer de savoir, en savoir plus, effectivement. C'est ça, il manque de détails. Qu'est-ce qui le gêne? Et à partir de ce qui le gêne, là, on pourra raisonner. Tout à fait. Très bien. Donc, mais là, il n'a pas le choix, si c'est un logement en réhabilitation. Après, tout dépend de ce qu'il avait avant. Là, à partir du moment où on améliore le confort, en général, les locataires sont partants, ils sont d'accord. Oui. C'est normal, mieux c'est pour nous. Donc, on a tendance, bien sûr, à accepter. Maintenant, il y a peut-être autre chose que nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il avait avant ? Alors, c'est effectivement le fait peut-être que ce soit un ballon d'eau chaude qui est plus impressionnant, donc peut-être pas visuellement, ou alors l'emplacement. Donc il y a toutes sortes de choses qu'il faudrait voir. S'il pouvait nous en dire un petit peu plus, ce serait bien, comme ça nous permettrait de répondre de raisonner. Voilà. voilà, nous partons au standard de la première. Les experts du logement, évidemment, qui répondent à toutes les questions 02 62 99 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Élodie de Saint-Gilles. Bonjour Élodie. Bonjour Élodie. Vous êtes locataire? Oui, voilà. Donc je suis locataire et je suis en appartement. Oui. Donc je ne sais pas comment dire, c'est un appartement d'un étage. Il y a quelqu'un en dessous au rez-de-chaussée, moi je suis au-dessus. Donc la personne au rez-de-chaussée a au niveau de sa baie vitrée des volets roulants pour protéger justement cette baie vitrée. Oui. Quand moi je me situe au premier étage, je n'ai pas de volets roulants. Oui. Donc, je suis allée voir mon assurance pour assurer l'appartement. Et ils m'ont dit, s'il y a un brise-glace ou quelque chose qui arrive à la baie vitrée, ça ne sera pas pris en compte. Parce qu'il n'y a pas de protection. Oui. Donc, d'accord. Moi, ma question, c'est si je me fais cambrioler ou il y a un cyclone ou autre, et que justement, que cette vitre est amenée à être cassée ou abîmée, je fais comment? Oula, c'est important là, oui. Sylvie Cadet. Oui, Élodie, en fait, vous êtes au premier étage et votre appartement est peut-être très accessible. Oui, parce que je me situe juste en face d'un hôtel. Voilà. Alors, vous êtes donc, quand je parlais d'accessibilité, entre le rez-de-chaussée, l'étage, c'est ça. On peut arriver très vite chez vous, et c'est pour ça que l'assureur, en fait, vous parlait de cette exception, c'est-à-dire qu'il n'interviendrait pas parce que vous n'avez pas telle ou telle protection au niveau en fait de vos ouvertures. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est dans un premier temps, parce que le problème, c'est que la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions en fait des tribunaux. Et ils ont tendance effectivement à inscrire le fait que le propriétaire n'est pas responsable du fait des tiers, donc n'est pas responsable du fait d'un voleur. D'accord. Un tiers qui s'introduirait. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'écrire à votre propriétaire en lui expliquant que l'assurance vous a donné une information sous cette forme-là, en vous disant, ben voilà... si jamais donc quelqu'un vient et s'introduit chez vous, par conséquent, il n'y aura pas de possibilité pour vous de vous faire indemniser, enfin d'être indemnisé. Donc d'écrire à votre propriétaire et de lui demander de sécuriser donc les lieux. D'accord. Donc ça, Voilà. Vous avez raison de dire on peut. Voilà. Hein, voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il va accepter. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que quand il peut y avoir un risque. Donc de vol ou carrément que quelqu'un s'introduise en fait dans les lieux en votre absence ou lorsque vous êtes présente, c'est intéressant toujours de faire un courrier dans ce sens en recommandé en lui demandant de faire le nécessaire pour sécuriser les lieux parce que justement vous êtes trop proche. C'est le cas par exemple lorsque les terrains sont dénivelés, c'est-à-dire qu'en fait le rez-de-chaussée, vous avez enfin une pente. Et par rapport à cette pente, on peut accéder facilement à votre appartement. Vous voyez ? C'est le cas. En plus, c'est le cas, vous voyez. Oui. Bah. Et donc, du coup, ouais, là, il y a effectivement un problème d'accessibilité qui rend en quelque sorte, qui fait que nécessairement, vous pouvez être en danger, même à la limite, hein, et vous pouvez être gêné par une introduction en fait, de tiers dans l'appartement. Hein ouais. Donc, ce qui fait que là, ce serait bien de lui expliquer sous cette forme. Vous voyez, là, on a touché le point sensible. C'était ça. C'est-à-dire qu'il y a bien un dénivelé. Et finalement, l'appartement est plus accessible qu'on ne le pense par rapport, effectivement, au terrain, au terrain naturel qui est alentour. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait faire un courrier à votre propriétaire bailleur en lui exposant tout ça. Si vous voulez qu'on vous aide pour le courrier, il n'y a pas de souci, vous venez nous voir. Ou si vous voulez le faire, vous le faites. Et quand vous avez la réponse du propriétaire bailleur, vous venez avec sa réponse pour qu'on puisse ensuite voir comment on peut faire. Parce que là, il peut y avoir ce qu'on appelle un trouble de jouissance paisible aussi. Si n'importe qui peut entrer dans votre appartement à tout moment du jour ou de la nuit. Hein. On va vous aider à faire ce courrier. Moi, j'aimerais bien avoir votre adresse, justement, ou vos numéros pour vous contacter. Mais vous aurez tout, vous aurez l'adresse, vous aurez le numéro de téléphone, etc. Aucun problème. Même le numéro de carte bleue aussi de Sylvie Cadet. Pourquoi que le mien ? Que mon numéro ? Non, mais oui, on revient vers vous, d'accord ? Et puis juste un petit complément pratique. En plus, aujourd'hui, il existe maintenant des systèmes de sécurisation de baies vitrées. On n'est pas forcément obligé de passer par un volet roulant, qui effectivement, je comprends, c'est onéreux. Le bailleur n'a peut-être pas envie de faire de telles dépenses. Mais il y a des petites sécurités maintenant, comme un petit peu comme des blocs disques de pour les motos, voilà, un petit peu des antivols qui existent. Et je suppose, après, je ne suis pas à la place de l'assureur, mais un petit peu comme pour les motos, je pense que sur certains systèmes, les assureurs seraient, à mon avis, favorables à nouveau à une prise en charge en cas de sinistre. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais effectivement, rapprochez-vous d'autres bailleurs pour essayer de trouver ensemble la situation, la solution la plus adéquate. Voilà, Elodie, on a votre numéro de téléphone, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Alors, juste, oui, très rapidement, Eric Boudou. Alors, juste un petit complément. Puisque c'est là qu'intervient aussi le syndic de copropriété, c'est que le locataire a souvent certains besoins et son propriétaire, lui, a aussi des obligations. Pour ce genre d'installation, il doit en faire la demande à l'Assemblée générale des copropriétaires si ça n'a pas été prévu au départ. Donc manifestement, ces installations de volets roulants n'ont pas été prévues à l'origine et donc il doit demander l'autorisation à l'Assemblée des copropriétaires pour faire poser ce volet. Voilà. D'accord ? D'accord. Merci Elodie. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Alors on va aller rapidement au standard, c'est Marie de Saint-Paul. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Hein. Voilà, bonjour, je vais vite parce que je suis un petit peu en retard. Alors ma question c'est, je suis propriétaire, hein. Oui. Mon locataire avait fait avant l'état des lieux. Non. Avant l'état des lieux qu'on fasse ensemble, elle avait fermé l'eau avec l'organisme de l'eau de Créole. Oui. Votre locataire. Voilà. Donc à l'état des lieux de sortie. État des lieux de sortie. État des lieux de sortie, oui. Elle avait fait fermer l'eau déjà avant l'état des lieux. Oui. Donc je ne pouvais pas avoir des dégâts sur les écoulements de l'eau dans la salle de bain et de la cuisine. C'est sûr, oui. D'accord. Alors, j'ai signalé avec elle ça sur mon état des lieux. Oui. Alors, j'ai parti faire ouvrir l'eau avec l'organisme. Oui. Et l'organisme a fait subir 56 euros d'ouverture. Oui. Non. Donc, j'ai fait supporter le locataire les frais de ces 56 euros. Mais est-ce que vous étiez dans votre droit, c'est ça? Voilà, parce que après j'ai fait mes tout écoulement pour voir si ça fonctionnait. Mais normalement, dites-moi, j'ai raison ou pas? Alors, pour moi, sous réserve de la Eric deal. Éric Ouarot de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers, attention à votre réponse s'il vous plaît. Éric Boudou du syndic de copropriété, attention aussi à ce que vous allez répondre. Et Sylvie Cadet, notre juriste conseil. Bon, alors. C'est un cas particulier. En fait, effectivement, lorsque vous faites l'état des lieux de sortie, vous devez être en mesure de vérifier le bon fonctionnement des équipements que vous avez mis à la disposition de votre locataire. Là, vous ne pouviez pas parce qu'il n'y avait pas, n'y avait plus d'eau. Alors, sous réserve, pour moi, ce que vous pouviez faire supporter ensuite au locataire serait éventuellement, lorsque vous avez remis l'eau, des problèmes liés aux installations. Enfin, si c'est des joints qui étaient défectueux, bien sûr, qui relèvent aussi des réparations locatives. Et là, vous aviez effectivement donc un délai pour prouver que au moins donner un devis sur des réparations à prévoir. Et là, vous pouviez retenir sur le dépôt de garantie. Maintenant, l'ouverture même de l'eau, je vais rester quand même prudent, mais je ne pense pas. Écoute-moi. J'écoute. Alors, j'ai l'impression. Alors, attendez, j'ai l'impression que Marie de Saint-Paul n'est pas d'accord avec vous. Hein. Elle a le droit. Non, mais c'est pas mal. Oui, alors, allez-y, Marie. Ah oui, non parce que. Alors tout le monde est. Non mais on se marre là, c'est pas possible. On est vraiment détendu. Hein. Ouais. Allez. Oui. Parce que. Écoute-moi. C'est pas un ordre. Et j'écoute du coup. Hein, mais... Allez-y. Non, parce que écoute bien, Eric. Oui. Parce que la créole, mais moi j'ai fait un courrier. Ah oui. Pour la créole, pour l'expliquer. Ça, c'est votre... oui, vous êtes sur Saint-Paul, oui. Et la créole m'a dit de voir avec mon locataire. Parce que si elle avait fermé... Parce que moi, je disais toujours au locataire qui sort. Oui. Je dis, ne fermez pas l'eau, la personne... Vous fermez, vous prenez l'index, le numéro là du compteur, la créole, ils arrêtent le fonctionnement. Alors, Marie, et après, la personne revient et notre locataire reprend l'index, redémarre à son nom. Alors, très vite, s'il vous plaît, pour répondre à Marie. Oui, alors, que doit-elle faire là, en l'occurrence, bon, je suis un peu de l'avis d'Éric Ouarot quand même, sur ce point. Bon, c'est un petit peu particulier. Ouais. Alors, les frais de réouverture de compteur, c'est plutôt à celui qui va occuper le logement. Mais moi, j'habite pas dans ce logement. D'accord. Moi, j'ai ma maison ailleurs, moi. Mais il y a un locataire qui va reprendre derrière l'ancien locataire. Mais oui, mais les frais, qui va faire supporter ces frais de 56 euros? Quand le locataire va arriver, un autre locataire, alors. Oui. Elle va faire, la créole va la faire supporter encore 56 euros, parce qu'elle va mettre à son nom. Mmh. Alors, moi, entre temps. Très vite. Parce que moi, je ne voulais pas ouvrir cette eau-là, moi. Très vite, oui, très vite. Moi, je voulais faire mon état des lieux. Oui, Sylvie Cadet. Alors, j'essaie de faire vite. Oui, pour conclure. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur l'état des lieux de sortie, il est vraiment important d'indiquer quand votre locataire a fermé, donc et vous a pas laissé la chance en fait de vérifier, la possibilité de vérifier dans quel état étaient les canalisations, les joints, etc. Excuse-moi, madame, parce qu'elle avait abîmé la lavabo. Comment ça, elle avait abîmé? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Elle a fait la peinture, elle s'est assise sur le lavabo. Oui. Ah oui. Pour faire la peinture. La peinture est descendue. La lavabo est descendue. Ah d'accord, d'accord. Donc en fait, bon, là, il y a un préjudice en fait qui a été causé. Bon, maintenant, est-ce que vous avez bien indiqué sur l'état des lieux de sortie que vous n'avez pas été en mesure de bien vérifier le fonctionnement? La question est importante. Est-ce que vous avez indiqué aussi en clause sur l'état des lieux que vous allez en fait devoir réouvrir justement, donc payer l'abonnement pour pouvoir le vérifier? Non, ça j'avais pas. Voilà. Marie, on a votre numéro de téléphone. Sortie de ce studio, Oui, allez-y. Écoute-moi, Sylvie Cadet. Bon, donc en fait, je disais que si c'est bien indiqué sur l'état des lieux de sortie, vous avez une possibilité, mais alors après, c'est le juge qui va trancher. Ce ne sera pas nous, à nous de vous dire, ce sera comme ci ou comme ça. Donc, ce sera au juge de dire qu'effectivement, si vous avez été suffisamment clair dans votre état des lieux de sortie, peut-être effectivement que le juge accepterait que cette somme, si jamais toutefois le locataire demandait le remboursement de la somme, puisque à partir du moment où vous justifiez que tout est indiqué sur l'état des lieux de sortie et que vous avez bien indiqué qu'il ne fallait pas fermer mais qu'on est obligé de réouvrir pour pouvoir vérifier quel était le fonctionnement de toutes les canalisations et de tous les éléments d'équipement. Donc en fait, vous voyez, il y a tout de même des choses à inscrire de façon très claire dans l'état des lieux de sortie pour que justement le juge puisse aller dans votre sens après. Si ça va, en fait, aussi loin, mais auprès d'un juge de proximité, éventuellement, ou éventuellement au niveau d'un conciliateur qui pourrait dire, oui, mais attendez, là, c'est vous qui ne lui a pas laissé la possibilité de vérifier. Donc, par conséquent, à ce moment-là, alors, il fait des signes pour que j'arrête de parler. Sylvie Cadet, vous avez terminé. Voilà, Vous avez terminé. Je termine. Bon, voilà. Bon, Marie. Oui. On a votre numéro de téléphone. Vous me rappelez. Voilà, on vous rappelle. D'accord. Et puis Sylvie Cadet va vraiment vous orienter, faire cette belle lettre, vous donner un exemple de lettre, etc. Et puis voilà, d'accord. Je vous rappellerai après l'émission. D'accord. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Éric Ouarot de la Fédération nationale des agents immobiliers, Éric Baudou, responsable de syndic de copropriété, et Sylvie Cadet de la DIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Je laisse le numéro de téléphone qui est important aussi parce que pour notamment consulter les juristes conseils, c'est le 02 62 41 14 24. Merci les experts. Merci. Merci à vous. Merci. À merci à vous. Merci encore. Ou c'est la seule qui qu'elle fait voir à moins plus clair. Ou dit que moi elle est différent des autres qui refait s'en à nous hâter. L'ami est tout seul, on s'en moue. Pourquoi ou adresse pas moi la parole? Pourtant nous y aime à nous très fort, très fort. C'est pas parce que nous la mal que nous va mais le tort. Si nous, on m'y aime à vous. Nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer. Pour résoudre les problèmes de tous les jours. Nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer. Pour résoudre problèmes de tous les jours. Des beaux moments n'a pas paqué. Comme il repense toute cette nous la fine traversée. Où manque à moi trop ma chérie. Où fait la tête mais il achève à moins doudou. Pourquoi on réagit comme ça. Mais veut l'entendre à l'infini sans mot qu'affreine. Mais veut pas perdre à vous ma flamme. La flamme que moi la déclarer pour rouler tellement plus fort que tout, car m'y aime à vous. Nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer. Pour résoudre les problèmes de tous les jours. Nous va laisser le temps couler. Si les bons pour moi sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer. Pour résoudre les problèmes. Jour. choses passées. Pour vous autres problèmes de tous les jours, nous va laisser le temps couler. S'il est bon pour moi, sera bon pour nous. Nous va laisser les choses passer. Pour résoudre problèmes de tous les jours. Pour lutter contre l'illettrisme, c'est le sujet de C'est dans l'actu, tout à l'heure à 12h15 avec Philippe Dornier. Internet, les nouvelles technologies qui envahissent notre quotidien, une barrière supplémentaire pour les 116 000 réunionnais en situation d'illettrisme. À moins qu'on les familiarise en fait à ces outils, on en parle évidemment de 12h15 à 12h45 sur la première, à l'occasion des journées, surtout nationales d'action contre l'illettrisme. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche de l'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Première. Il est midi moins 10 sur la première. Les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Niflor, née Ferblantier-Simone. Madame Niflor, née Ferblantier-Simone, décès survenu à l'âge de 95 ans. Un recueillement se tient actuellement à son domicile, au 1 rue Canon à la Saline-Léo. La bénédiction aura lieu ce jour, donc à 14h, en l'église de la Saline-Léo, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Evan Lydie Marie Ritané Lapierre. Madame Evan Lydie Marie Ritané Lapierre, décès survenu hier dimanche à l'âge de 73 ans. Le convoi sortira de son domicile au 48 rue Émile Evan, brave des Calumets à la Plaine des Palmistes, aujourd'hui à 15h30 pour la bénédiction qui aura lieu en l'église de la Plaine des Palmistes, à 16h suivie de l'inhumation au cimetière de la Plaine des Palmistes. Décès de Monsieur Jeannette Benoît Léopold, dit Lolo. Monsieur Jeannette Benoît Léopold, dit Lolo, décès survenu à l'âge de 90 ans. Le convoi sortira de son domicile au 2 impasse Bassin Chevrette Les Lianes à Saint-Joseph. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction aura lieu en l'église des Lianes à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière des Lianes à Saint-Joseph. Décès de Monsieur Virin Roger, dit Pilote. Monsieur Virin Roger, dit Pilote. Décès survenu à Trois-Bassins à l'âge de 74 ans. Le convoi sortira de son domicile au 79 chemin chemin des Barrières, donc à Trois-Bassins. Demain, 15h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Trois-Bassins à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Trois-Bassins. Décès de Monsieur Pellier, Jules Noël. Monsieur Pellier, Jules Noël, décès survenu à l'âge de 86 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 97, avenue Président Mitterrand, à Terre Sainte à Saint-Pierre. Aujourd'hui à 14h30, la bénédiction se fera en l'église de Terre Sainte à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Vianney Bénard-Marie-Amélie. Madame Vianney Bénard-Marie-Amélie, décès survenu à l'âge de 80 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 89, route de la Passerelle à Saint-Joseph. Aujourd'hui à 16h, la bénédiction aura lieu en l'église du Buteur à 16h30, l'inhumation au cimetière de Saint-Joseph. Décès de Madame Boyer, née Armouette Josiane. Madame Boyer, née Armouette Josiane, décès survenu hier à l'âge de 63 ans. Le convoi sortira de son domicile au 14 chemin Lucien Fontaine à Bras-Madeleine à Saint-Benoît. Aujourd'hui lundi 5 septembre à 16h, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 16h30, l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Madame Sogrin Nécodrus Marie-Suzanne. Madame Sogrin Nécodrus Marie-Suzanne, décès survenu hier à l'âge de 90 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 6 bis 9 rue Vanoy. C'est au barrage à la Saline-Léo. Aujourd'hui, à 13h30, la bénédiction, se fera en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila de la Saline à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de la Saline-Léo. Et le décès de Madame Franciane et Florie Marie-Thérèse. Madame Franciane et Florie Marie-Thérèse, décès survenu à l'âge de 91 ans. Le recueillement se tient au domicile au 1 chemin de la Giraudée à Bois-de-Neuf-Saint-Paul. La bénédiction aura lieu aujourd'hui en l'église de Bois-de-Neuf à 16h, Bois-de-Neuf-Saint-Paul, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Étang. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Le groupe SOR Cise Réunion, le gérant des ouvrages de l'irrigation du littoral ouest, qui informe ses irrigants que suite aux travaux dans les réservoirs de l'antenne 8, des perturbations sont à prévoir. Pour le secteur C, arrêt de la distribution le 7 septembre. Donc c'est à partir de 7h. Pour le secteur D, arrêt de la distribution le 8 septembre à partir de 7h. Et pour le secteur E, arrêt de la distribution le 9 septembre, c'est à partir de 7h. Donc voilà, c'est pour notamment c'est l'irrigation du littoral ouest. L'EFS, l'établissement français du sang, qui vous informe que demain, mardi 6 septembre, les collectes se feront à la SPTT du Chaudron à Sainte-Clotilde. Je vous donne l'horaire. Les horaires, c'est de 8h à 13h. Renaud, toujours debout sur la première. toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras, et moi je suis toujours là. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Vite à ces trous du cul, je continue de chanter. Et puis tous ces chasseurs de primes, paparazzi en embuscade, qui me déprime et qui n'imprime que des ragots, que des salades. Toutes ces rumeurs sur ma santé, on va pas en faire une affaire. Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, l'idiot qui voudrait me remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe derrière chaque buisson, à tous ces photographes qui vous prennent pour des cons. Ceux-là m'ont enterré un peu prématuré, dites à ces enfoirés, je continue de chanter. Mais je ne vous ai jamais oublié, et pour ceux à qui j'ai manqué, vous les fidèles, je reviens vous dire merci. Vous m'avez manqué, vous aussi. Trop content de vous retrouver, je veux continuer, nom de nom, continuer à écrire et à chanter. Chanter pour tous les sauvageons, toujours vivants. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crouillon qui voudra m'enterrer. Depuis quelques années, je me suis éloigné. Je vis près des lavandes, sous les oliviers. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Ces trous du cul peuvent continuer de baver. Moi sur mon petit chemin, je continue de chanter. Le retour de Renaud, qui était quand même pendant des années un des plus gros vendeurs de disques en France. Il revient, ça fait plaisir aux fans, toujours debout. Demain, dans le rendez-vous des experts dès 10h, demain mardi, nous serons le 6 septembre. Eh bien, on va s'intéresser aux problèmes que vous rencontrez avec votre voiture. J'aurai dans ce studio les experts de l'auto. On parlera du contrôle technique et aussi les pièges à éviter si vous êtes intéressé pour acheter une voiture, notamment une voiture d'occasion. Voilà, donc on fera le tour demain de 10h15 à 11h30. Les questions, les réactions au standard de la première pour demain en compagnie des experts de l'auto. 02 62 99 2000. Bon appétit à tous avec la première et les midis. Le journal de Réunion Première présenté par Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Claude, bonjour à tous. Au tour cycliste de la Réunion, après le geste fou du père d'un concurrent qui a fait tomber deux coureurs hier, difficile de se concentrer sur la ligne de départ du contre-la-montre ce matin. Le peloton est encore sous le choc, mais déterminé à poursuivre la course, nous l'entendrons. À Saint-Joseph, pas d'école pour un millier d'élèves du collège Joseph Hubert ce lundi. Depuis trois ans, des travaux empiètent sur les installations sportives de l'établissement et dégradent les conditions de travail des professeurs et des élèves. Des parents d'élèves et des enseignants ont bloqué l'entrée du collège ce matin. Nous serons en direct de la cour d'assises à Saint-Denis où un homme de 49 ans est jugé depuis ce matin pour viol sur mineur et séquestration. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Compte rendu d'audience avec Nadine Bachelot dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons également de sport avec le festival des arts martiaux qui se tenait ce week-end à la rivière Saint-Louis et le championnat de football de DAR, marqué par la fin d'une série de 9 victoires consécutives pour la Saint-Pierroise battue hier par la Sainte-Marienne. Réaction des entraîneurs à la fin de cette édition. Bienvenue sur Réunion Première. C'est dans une ambiance particulière que les coureurs du Tour cycliste de la Réunion ont pris le départ du contre-la-montre programmé ce matin, encore secoué par le geste fou du père d'un des concurrents qui a fait tomber deux cyclistes hier à l'arrivée de la première étape au port. Le peloton tente de se concentrer sur la compétition. Certains coureurs ont hésité avant d'enfourcher leur vélo ce matin. Si les métropolitains relativisent, vous allez les entendre, le mauricien Philippe Collin trouve cet acte inadmissible. C'est la première fois que je vis des tels incidents, c'est assez incroyable, assez incompréhensible. Je me suis posé la question hier en rentrant au logement si j'allais continuer. On essaye de faire avec, hein. Ce qui s'est passé hier, c'est désolant quoi, de voir ça dans notre sport. On ne fait pas ce sport pour qu'il se passe des incidents comme ça. Donc c'est sûr, hier soir on était un peu sous le choc tous, mais bon, il faut repartir de l'avant quoi. C'est toujours un peu dur de se remobiliser après les images.